Master on the beat. C'était C'est Fort. Funny. Cozy. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. Elle a ramené sa sable, moi, je veux les deux. Elle t'a quitté donc les. Fais les mieux, drogue, dur, argent facile. Ma voiture te plaît, on veut, fais les fils. T'en vends et puis t'en prends, gros, tu fais les deux. Ta daronne a une tub, c'est les deux. Cinéma ou peur à robe, je fais les deux. On va baiser Zaya, ouais, allez les bleus. Audemars, Rolex, Breitling, j'ai les trois. Toi, long tub, j'mets les trois. Carrera, Cayenne, j'ai les deux. Cherche du taf, fais mes bacs, mais fais les mieux. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Fais les deux. T'aimes pas les Arabes et les Renois, là t'as les deux. Terre, RAP, t'inquiète, moi je fais le deux. Tu sais des bitches actées derrière mon dos, eux font le deux. Rappé en français, en lingala, Nyama, moi je fais le deux. Je suis une étoile filante, kické avec moi, fais un vœu. Cosinia ma funi 9-2, 7-8, on met le feu. Biatch, tu veux baiser, pas de problème, fais la queue. Mais bien sûr que les puristes savent qu'on fait ça mieux que. Yeah. Masta Pema, prod l'orphona Mema, ça devient du MMA. Yeah, Nyama deux fois, c'est le retour du rap Kaira. Et qui nous pompera Pera. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. Je fais les deux. Y'a ceux qui se tapent, ceux qui se clashent, moi je fais les deux. Tu t'es niqué en crosse, depuis tu vas mieux. Frotte ma teub, le génie est blanc, fais un vœu. La chatte à Beyoncé, Ariana, moi je veux les deux. Séquestration stupéfiant, j'ai fait les deux. Bois d'Aroni Nanterre, j'ai fait les trois. S'il y a des vitrines à casser, frère, on fait les meutes. Mets du shit, mets de la beuh, ou bien mets les deux. Yeah, y'a les rageux, les nombos et les rageux. C'est des C4, on tient les manettes, le beurre, c'est un jeu. Wesh, ma gueule, la prod est lourde, donc on fait ça à deux. Paris, Hollande, AR, dans la Gova, ça sent la beuh. Partout, Robert Renoir, moi je vous prends à trois. T'ouvres ta tèche au studio, je te ken dans les laitois. Je fais du ça, tu fais le ménage, ferme ta gueule et nettoie. T'es bonne, je te baisse direct, pas le temps de mettre des doigts. Conduire ou me faire sucer, Renoir, je fais les deux. Argent propre, sale, ouais, je fais les deux. Parler ou m'envier, Renoir, tu fais les deux. Tirer dessus ou t'as de ce soir, je fais les deux. Je fais les deux, je fais les deux. Je fais les deux. Je fais les deux.